franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'accident de Palomares, le jour où les Américains ont égaré une bombe atomique. Mais oui. Le 17 janvier 1966, dans le ciel au-dessus de l'Espagne, deux avions de l'armée de l'air américaine entrent en collision. Dans leur soute se trouvent plusieurs bombes à tête nucléaire. Des engins dont la puissance est supérieure à plus de 1000 fois celle de la bombe larguée sur Hiroshima. En pleine guerre froide, évidemment, la catastrophe fait très vite la une de la presse. Avec elle, le spectre d'une contamination radioactive se propage partout en Europe. Et le village andalou de Palomares, là où sont retombés les débris de la catastrophe, se retrouve sous le feu du projecteur. Sur place, pour sauver la face, les États-Unis déploient un incroyable dispositif de recherche. Plus de 3000 hommes, 30 navires de guerre, des sous-marins, des dizaines d'avions et hélicoptères. Des moyens colossaux à la hauteur d'un enjeu colossal. Retrouver les armes de destruction massive qui ont disparu des écrans radars. S'engage alors une course contre la montre. Elle va tenir le monde en haleine pendant 80 jours. Après le récit, nous recevrons Jean-Marie Collin, chercheur associé au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Son dernier ouvrage, coécrit avec Paul Quillès et Bernard Norland, intitulé « Arrêtez la bombe », va bientôt être réédité aux éditions du Cherche Midi. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, lecture Philippe Pirard, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Nicolas Slimani. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Au milieu des années 60, en plein cœur de la guerre froide, l'équilibre du monde repose sur un constat précaire. Si la guerre est impossible, la paix, elle, reste improbable. Après l'échec d'une décennie de coexistence pacifique, symbolisée entre autres par l'épisode de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, les États-Unis et l'Union soviétique prennent conscience du danger d'une confrontation nucléaire. Les deux grands s'engagent alors dans un processus inédit qu'on appelle la détente, une doctrine géopolitique. Dans les grandes lignes, il s'agit de réduire les tensions, d'où le terme détente, et de favoriser les échanges. Pour atteindre un tel objectif, on met en place un téléphone rouge, une liaison directe par Telex entre la Maison-Blanche et le Kremlin. On organise plusieurs grandes rencontres au sommet entre dirigeants des deux camps. On lance aussi de vastes programmes de coopération scientifique, sportif et culturelle. Enfin, et c'est là l'une des pierres angulaires de cette nouvelle politique, Américains et Soviétiques se mettent d'accord pour limiter puis réduire leur stock d'armes de destruction massive. Si l'on s'en tient aux apparences, cette nouvelle politique semble porter ses fruits. Les relations diplomatiques se réchauffent et la paix semble plus proche que jamais. Une paix froide, mais c'est déjà ça. Pourtant, lorsqu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté du miroir, la situation est moins avenante. Sur le terrain, en effet, dans les administrations de défense et dans les usines d'armement, la guerre, elle, continue. De chaque côté du rideau de fer, la peur d'une attaque surprise reste bien réelle. Alors, pour dissuader l'adversaire, Américains et Soviétiques s'engagent dans la construction de sites gigantesques de lancement de missiles balistiques intercontinentaux. Au fond des océans, des sous-marins nucléaires géants équipés de plusieurs dizaines d'ogives à tête nucléaire restent en état d'alerte. Enfin, dans les airs, là aussi, les deux camps rivalisent d'idées pour entretenir la peur d'un hiver atomique. C'est la définition même de la politique de dissuasion ou d'équilibre de la terreur. À Washington, sous l'impulsion du président Johnson, les États-Unis modernisent un programme d'action aérienne hors norme, baptisé Chrome Dome. Le but étant d'assurer la protection totale du territoire nord-américain. Afin d'y parvenir, on envoie des avions bombardiers lourds B-52 à long rayon d'action sillonner le ciel sur trois routes distinctes. La première passe au-dessus du Canada et du Groenland. La seconde en Alaska et au-dessus de l'Arctique, soit au nord des frontières de l'URSS. La troisième, elle, traverse l'océan Atlantique et le sud de l'Europe pour rejoindre la Méditerranée puis atteindre la mer Noire au sud, donc, des frontières soviétiques. Voilà sur le papier à quoi ressemble cette opération militaire de grande envergure. Une opération qui n'est pas sans risque, comme l'explique le député français Emmanuel Dastier de la Vigerie. Je crois que tout le monde le sait, ce monde si pacifique, il y a la moitié de ce qu'on appelle le Strategic Air Command américain, qui se promène, la moitié, un avion sur deux, qui se promène dans les cieux de l'Europe de l'Ouest pour parer à une attaque. Que moi, pour ma part, je n'attends pas de l'Est, de la Russie. Et chacun de ces avions transporte des bombes atomiques avec leur ogive, mais avec un système de sécurité électronique qui fait que cela ne peut fonctionner que sur l'ordre de Washington. C'est pas très rassurant. Si la situation n'est pas très rassurante, en effet, c'est en grande partie parce que les vols de ces bombardiers sont très fréquents sur la troisième route, celle qui passe justement au-dessus de l'Espagne. À cet endroit, en effet, chaque jour, 6 avions de type B-52 chargés de plusieurs engins atomiques survolent la zone sans autorisation et dans le plus grand secret. Mais si l'un de ces appareils était victime d'un incident technique, si jamais l'un d'eux se crachait, que se passerait-il? Aux États-Unis, le Strategic Air Command a envisagé toutes les hypothèses, oui, toutes, sauf une. Et c'est précisément celle qui va se dérouler dans le ciel espagnol un matin d'hiver. Village de Palomares, Andalousie, lundi 17 janvier 1966. Nous sommes à 400 km au sud-est de la capitale, Madrid, au bord de la Méditerranée, dans une des régions les plus pauvres et les plus isolées de la péninsule ibérique. Ici, on vit de la récolte, de la pêche et de l'artisanat, bien loin de l'effervescence qui agite les villes et encore plus loin des tensions internationales. Ce matin, Eduardo, l'agriculteur, est dans son champ. Il récolte les tomates. Pedro, l'instituteur, donne des cours de maths dans la petite école du village. Quant à Francisco, le pêcheur, il est en mer, au large, à bord de son petit chalutier. Les trois hommes ont chacun une quarantaine d'années. Ils habitent Palomares depuis leur enfance. Ils sont amis. Comme la plupart des personnes de la région, ils connaissent les nombreux contes et légendes qui circulent ici, ces histoires qui font intervenir des saints ou des saintes qui ont le pouvoir de descendre sur Terre. Aucun d'entre eux ne croit à ces balivernes socio-religieuses. Mais l'histoire qu'ils s'apprêtent à vivre, si je puis dire, c'est une autre histoire. En cette matinée du 17 janvier, il est un peu plus de 10h15. Eduardo fait une pause. Panier de tomates au pied, il lève les yeux au ciel. Ce matin, il n'y a pas un seul nuage, le ciel est tout bleu. Un détail attire toutefois son attention. Là-haut, il aperçoit deux petits objets noirs qui se suivent, l'un derrière l'autre. Bon, des avions, se dit l'agriculteur, qui se remet au travail. Dans la salle de classe, Pedro lui corrige au tableau un exercice de soustraction. Aux alentours, les rues sont désertes. Pas un bruit, la routine. Au même moment, à 15 kilomètres de là, sur son bateau, Francisco remonte ses filets. Lui aussi aperçoit les deux formes qui se déplacent à grande vitesse, d'est en ouest. Mais il n'est pas surpris. Tous les matins à cette même heure, lorsque le ciel est parfaitement dégagé, il voit passer deux appareils qui volent très près l'un de l'autre. Bon, l'homme va quand même chercher ses jumelles. Lorsque soudain se produit une violente détonation, celle-ci est ressentie jusqu'au village. Pedro, l'instituteur, se précipite à la fenêtre et là, il découvre dans le ciel au-dessus de l'école une grande boule de feu de couleur rouge. Dans ce panache de fumée et de flammes, une pluie de débris de couleur foncée s'écrase sur le sol. Témoin lui aussi de la scène, Eduardo, l'agriculteur, racontera plus tard avoir fait face à une scène d'apocalypse. Il a suffi d'un seul instant pour que tout bascule. J'étais moi-même agenouillé dans mon champ lorsque j'ai entendu un bruit de tonnerre. Je me suis retourné et là, j'ai vu un flash de lumière blanche traverser le ciel. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais persuadé que c'était le soleil qui venait d'exploser. Je me souviens que je me suis mis à courir. Autour de moi, toutes sortes de choses tombaient du ciel et se fracassaient par terre. On vivait un véritable chaos. Au village également, c'est la panique. Les gens sortent de chez eux en hurlant. De son côté, Pedro fait évacuer les enfants de l'école. Il les emmène se réfugier sur un terrain, à l'écart. Au loin, le spectacle qui s'offre à lui est dantesque. Des centaines de débris suivis d'une traînée blanche pleuvent sur Palomares et ses environs. À quelques mètres de là, un homme pointe du doigt le ciel. Il crie « Regardez, il y a des hommes accrochés à des parachutes là-haut ». À bord de plusieurs voitures et d'une petite camionnette, les habitants accompagnés d'un médecin et du curé de la ville partent dans la direction d'étoiles blanches et oranges qui se rapprochent des champs. Sur la route en serpentin qui mène à la côte, les véhicules zigzaguent entre des morceaux de métal tordus longs pour certains de plusieurs mètres. Au large, à bord de son chalutier, jumelle à la main, Francisco ne rate pas une miette de la scène. L'homme comprend immédiatement qu'il s'agit d'une collision entre deux avions, ceux-là même qu'il avait aperçus quelques minutes plus tôt. Stupéfait, il découvre lui aussi la présence de plusieurs parachutes dans le ciel. Il en compte 6. Grâce à leur vitesse et à la force du vent, il estime qu'au moins 3 d'entre eux vont finir leur course dans l'eau. Par radio, il avertit les autres chalutiers présents sur la zone. Puis il reprend ses jumelles et aperçoit cette fois un gros parachute gris. Celui-ci est différent des autres. Il semble ralentir la chute d'une sorte de gros tube métallique. Mais impossible à cette distance de savoir de quoi il s'agit. En marin aguerri, Francisco procède alors à des alignements par rapport à la côte. Il note l'emplacement de l'impact lorsque le tube entre dans l'eau. Bien. Mais il n'imagine pas un seul instant qu'il vient de faire un geste qui se révélera décisif dans les jours à venir. Sur la terre ferme, après plusieurs minutes de course folle, le convoi de véhicules venant de Palomares arrive à proximité du premier parachute blanc rangé. Celui-ci est accroché dans les petits arbustes, dans un champ. Un peu plus loin, un homme en combinaison verte gît au sol, face contre terre, casque de pilote sur la tête. Le médecin s'approche. Rien à faire, l'individu est mort. Après examen, on découvre dans une de ses poches un portefeuille. Il contient quelques billets de banque et une carte de pilote de l'armée sur laquelle apparaît le symbole USIF. La suite, c'est Eduardo qui la raconte. Vers midi, quand les premières voitures sont revenues au village, on s'est tous précipités sur la place. Le père Enrique a pris la parole. Je me rappellerai toujours son visage. Il était très pâle. Ses mains, elles, tremblaient. Le père a d'abord demandé à ce qu'on écarte les enfants. Puis, une fois qu'il n'y avait plus que des adultes, il nous a dit pour les corps. Lui et son groupe en avaient trouvé 3 accrochés à des parachutes. Tous étaient morts. Et l'un d'eux avait eu les jambes arrachées. Ensuite, il nous a expliqué pour les cartes USAF. Sa théorie à lui, c'est qu'il s'agissait là d'Américains. On était nombreux à savoir qu'ils avaient une base à Morón, plus à l'ouest. Donc, ça paraissait plausible. Quant aux débris, le père Enrique nous a expliqué qu'il y en avait partout, éparpillés sur un rayon de 15 kilomètres, et que certaines pièces faisaient penser à des morceaux d'avion. À bord de son chalutier, au même moment, Francisco découvre dans l'eau le corps d'un homme sans vie. L'individu s'est manifestement noyé en tentant de dégager son parachute. Un peu plus loin, un autre bateau a plus de chance, lui, car il repêche des survivants. Il s'agit de 2 hommes d'une 30aine d'années. Ils sont tétanisés par la peur et par le froid. Ils ne parlent que quelques mots d'espagnol, tout juste assez pour dire qu'ils étaient 7 au total dans leur avion. Au final, seuls 4 d'entre eux ont survécu. À Séville, l'armée espagnole est rapidement avertie de l'accident survenu au-dessus de Palomares. Des hommes de la Guardia Civil se rendent sur place pour sécuriser la zone. À ce moment précis, les policiers n'ont aucune information sur l'origine de la catastrophe ni sur ses possibles conséquences pour la population. Ils examinent les longues pièces métalliques qui jalonnent la route. Certaines sont tombées sur le toit de maisons des alentours ou dans les champs. Mais heureusement, on ne dénombre aucun blessé. Uniquement vêtus de leur chemisette d'officier, les policiers s'approchent d'un grand parachute gris. Ils le soulèvent et tombent nez à nez avec un grand tube métallique. Suite au choc, l'engin est légèrement fendillé sur sa partie basse. Personne ne sait de quoi il s'agit. Et si c'était une bombe, lance un habitant. Oh, si c'était le cas, elle aurait sans doute déjà explosé, lui répond un autre. Alors, pour en avoir le cœur net, l'un des policiers tente d'ouvrir le tube à l'aide d'un tournevis. Sans succès, un échec qui lui a sauvé la vie. À 6000 km de là, de l'autre côté de l'Atlantique, à Washington, dans les couloirs du Pentagone, siège du ministère de la Défense américain, la tension est à son comble. Et pour cause. Depuis bientôt 90 minutes, 2 avions de l'armée de l'air, un ravitailleur et un bombardier manquent à l'appel. Première coïncidence de cet incident, les 2 appareils ont disparu des écrans radars au même moment. Seconde coïncidence, et non des moindres, au moment de leur disparition, ils volaient tous les 2 au même endroit, au-dessus de l'Andalousie, en Espagne. Forcés et contraintes, les autorités américaines préviennent dans la foulée leurs homologues à Madrid. Au bout du fil, les hommes du régime franquiste leur apprennent alors qu'ils ont retrouvé plusieurs de leurs pilotes accrochés à leurs parachutes dans les champs et en mer à proximité de la petite ville de Palomares. Les Espagnols expliquent ensuite qu'il y aurait eu manifestement un accident aérien. Et ils précisent qu'ils ont retrouvé parmi les débris une sorte de tube métallique de grande dimension. Quand ils entendent ça, les Américains sont pris de panique car cet objet, c'est une bombe atomique. Interrogé à son tour par le chef d'état-major, le responsable de la mission Chrome Dome confirme que l'un des deux appareils accidentés transportait bien du matériel de dissuasion nucléaire. Et il ajoute cette phrase qui va faire frémir son interlocuteur. C'est tout de même étrange qu'on ait retrouvé qu'un seul tube, car selon moi, il devait y en avoir au moins trois à bord. La nouvelle est grave. Malgré le confinement, elle fait très vite le tour des agences de presse et elle se retrouve évidemment à la une des bulletins d'information, comme ici sur France Inter, dès le lendemain. France Inter. Voici Inter Actualité. Robert Pietri, l'émotion grandit dans l'Espagne, dans la région de Grenade. Près de 2000 hommes, soldats américains et espagnols, policiers et volontaires civils, sont à la recherche de la ou des bombes atomiques perdues il y a deux jours par un bombardier américain du Strategic Air Command. Ce bombardier est entré en collision avec un avion citerne KC-136 qui le ravitaillait en carburant au cours du vol. L'accident est spectaculaire. Il a certainement un impact psychologique sur les populations. Mais il prend également un caractère politique en se produisant au-dessus d'un pays étranger. Des accidents semblables, en effet, ont déjà eu lieu aux États-Unis même, et sans aucune conséquence. Les spécialistes précisent qu'il n'y a aucun danger. En l'espace de quelques heures, les Américains mobilisent leur flotte. Près de 30 navires de guerre, dont un porte-avions et 4 frégates de combat, foncent en direction de la zone de l'accident au sud des côtes espagnoles, en Méditerranée. En tout, ce sont un peu plus de 3000 hommes, civils, spécialistes du nucléaire et militaires des forces spéciales, qu'on réquisitionne en urgence. Le 19 janvier, soit deux jours après l'accident aérien, la plage de Palomares ressemble désormais à un camp retranché. Avec ses tentes, ses bâtiments préfabriqués, ses grillages barbelés, ses dizaines de véhicules militaires, le dispositif est impressionnant. Au large, des navires quadrillent la zone. Dans le ciel, des hélicos militaires font des rondes. Mais c'est bel et bien sur Terre, et grâce à l'aide des habitants de la région, que les Américains réussissent à mettre la main sur les bombes numéro 2 et 3. Si la première d'entre elles, retrouvée par les Espagnols, était intacte, les deux autres, en revanche, ont leur détonateur activé. L'une d'elles est même fissurée. Pour seul commentaire, les Américains affirment qu'il n'y a désormais aucun risque, que tout est sous contrôle. Un avis que partage ce chercheur du commissariat à l'énergie atomique, pour qui les nombreuses sécurités empêchent de toute façon tout déclenchement spontané et donc tout accident. Il est exact que ce sont bien des bombaches qui étaient portées par ce B-52. Une bombache est formée d'une bombe de fission à uranium-235 ou à plutonium-239 avec des matières fusibles, des matières légères, qui donnent à cette bombe la puissance par des réactions thermonucléaires. Alors, le nombre de sécurités qui existe sur une bombe thermonucléaire n'est pas très exactement connu. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elles sont très nombreuses. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'il y a tant de conditions à réaliser pour qu'une explosion nucléaire se produise, que si une seule de ces conditions n'est pas réalisée, eh bien, l'explosion nucléaire ne peut pas se produire. Preuve toutefois que le problème d'une contamination des sols est pris très au sérieux par les autorités américaines, on interdit aux journalistes et aux étrangers de se rendre à proximité de Palomares. Qui plus est, dans les jours qui suivent, sur chacun des sites où on a retrouvé des tubes métalliques, des bulldozers et des camions bennes récupèrent la terre en surface. Au total, ce sont un peu plus de 615 tonnes de cailloux qui seront ensuite rapatriées aux États-Unis. Ailleurs, dans d'autres endroits, des hommes habillés de combinaisons blanches et de masques à gaz arrosent le sol avec un mélange d'iode, de chlore et d'eau de Javel. Un peu plus loin, d'autres militaires brûlent la végétation lance-flammes. Au village, les soldats demandent à la population de se rassembler dans la cour de l'école. Les enfants, les femmes et enfin les hommes sont passés au crible par un petit boîtier. Il s'agit des tout premiers compteurs GGR, portables. Des appareils qui relèvent le taux de radioactivité. D'ailleurs, lorsqu'on le passe sur certaines paires de chaussures, celles des paysans qui travaillaient dans les champs, l'aiguille du boîtier grimpe en flèche. La machine, elle, se met à crépiter. Par la voix de son porte-parole, les Américains se fendent pourtant d'un premier communiqué laconique et de circonstance qui dit Toutes les mesures relevées à Palomares et dans ses environs sont normales. Il n'y a donc rien à craindre. Bref, les habitants sont plongés dans l'ignorance. À tel point que l'un des adjoints du maire du village prend l'affaire avec humour, genre « mieux vaut en sourire ». Je crois qu'elle a éclaté dans l'étranger, plus qu'ici. Alors, on a vu l'explosion. Et puis, la vie, il la contient normalement, jusqu'à aujourd'hui. Ici, c'est motif de rire. Alors, les gens, ils disent que c'est des patates frites qui sont tombées, et puis qu'on ne les trouve pas. Je crois qu'il n'y a pas de danger. En réalité, cette stratégie de désinformation répond à un tout autre objectif, gagner du temps. Car sur place, les Américains ont un problème bien plus grave à gérer. Ils se sont rendus compte, en effet, que l'avion bombardier accidenté ne transportait pas 3, mais 4 bombes atomiques. Autrement dit, un engin atomique d'une puissance considérable traîne dans la nature. Lorsque l'information fuite dans la presse au début du mois de février, les journalistes se montrent très critiques et les titres sont évocateurs. Les Américains ont égaré un missile nucléaire, peut-on lire, ou encore, quand la plus grande armée du monde perdait 2 avions et 1 arme atomique. De leur côté, les Soviétiques se servent évidemment de l'événement à des fins de propagande. Autrement dit, tout le monde y trouve son compte. Sur l'antenne de la RTF, Emmanuel Dasty de la Vigerie va même jusqu'à évoquer le risque que la bombe soit récupérée par les agents d'un autre pays. Cette bombe, il y a beaucoup de gens qui voudraient la voir. C'est un secret des années de travail et de technique que ne connaissent ni la Russie, ni Israël, ni la France, ni la Chine. Vous croyez qu'elle a une chance d'être revendue ? Or, elle pourrait être... On peut imaginer qu'elle pourrait être démontée et transportée. Vous savez que ce ne sont pas des poids énormes. On peut très bien imaginer, surtout en mer, que des hommes grenouilles d'une autre nation ramassent la bombe, qu'elle soit apportée quelque part d'autre, et qu'elle serve à cette magnifique invention de l'homme, l'atome pour détruire. Au même moment, à Palomares, les jours puis les semaines passent, et malgré les énormes moyens mis en place, les Américains piétinent. Comme les recherches au sol n'ont rien donné, certains experts avancent désormais l'hypothèse que la bombe pourrait être tombée quelque part en mer, oui. Mais où ? La zone à couvrir est immense. Face à l'ampleur du préjudice d'une fuite radioactive, une course contre la montre s'enclenche. Les Américains réussiront-ils à récupérer leurs bombes et surtout, quelles seront les conséquences de toute cette affaire ? Oh, Lundi 17 janvier, il est 10h30 exactement lorsqu'un B-52 et un KC-135, avion ravitailleur du Strategic Air Command, se heurtent en plein vol au-dessus du village de Palomares entre Almeria et Cartagène. C'est le début de l'une des plus gigantesques opérations de recherche jamais entreprises par l'armée américaine et dont toute la presse s'est fait écho sous le titre « On a perdu une bombe atomique ». Lors de la catastrophe, 7 personnes ont péri et les débris informes des deux appareils ont été éparpillés sur des kilomètres. Des hectares de culture ont été saccagés. Dès lors, les spécialistes américains vont explorer chaque pouce de terrain, car un terrible danger est là, celui de la radioactivité. Les autorités ont interdit l'accès de plusieurs centaines d'hectares de champs dans la zone intéressée, en attendant que des vérifications en cours soient terminées. Entre-temps, plusieurs bombes ont été récupérées, les recherches sont effectuées par l'aviation, la troupe et la marine. Mais une bombe reste introuvable. Aux dernières nouvelles, elle aurait été détectée au large du petit port de pêche de Villarico et l'endroit en aurait été balisé. Jeudi 17 mars 1966, au large de Palomares. Voilà déjà 2 mois, jour pour jour, qu'une bombe atomique américaine manque à l'appel. Après plusieurs semaines d'angoisse et de recherches infructueuses, les militaires ont enfin retrouvé la trace de l'objet tant convoité. Il repose à plus de 770 mètres de profondeur, un endroit quasiment inaccessible à l'époque pour le commun des mortels. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette découverte ne doit rien au hasard, ou plutôt, elle ne doit pas grand-chose aux extravagants moyens de recherche mis en place par les marins américains. En effet, malgré des dizaines de bateaux équipés d'un matériel dernier cri avec entre autres des sonars, des batteries de plongeurs, des mineurs ou de nageurs d'assaut, les recherches sont restées très confuses. En vérité, si les Américains ont réussi à localiser la bombe, c'est grâce à un simple pêcheur. Oui, cet homme c'est Francisco, vous souvenez, l'homme qui avait assisté à la catastrophe aérienne au large depuis son bateau. Il avait noté sur son carnet la zone de l'impact entre le tube métallique et l'eau. Dès le début, il avait offert ce précieux renseignement aux Américains. Oh, personne ne l'avait pris au sérieux. Enfin, faute de résultats, les militaires reviennent vers lui quelques semaines plus tard. L'homme les guide alors jusqu'à l'endroit où devait être la bombe. Et là, grâce à l'aide d'un mini sous-marin, les Américains réussissent à retrouver, photographier et identifier cette bombe. Désormais, leur objectif est de remonter l'engin. Mais à cette profondeur, la tâche est délicate. Et comme l'explique ce spécialiste des récupérations d'objets en mer, l'opération nécessite une grande organisation technique. La façon la plus simple à monter à la surface, ce sera de la récupérer à l'aide d'un moyen, à l'aide d'un crochet, d'un grappin ou tout engin de ce genre-là. Et on se guide avec une caméra télévision. Eh bien, puisque on nous annonce que les Américains ont réussi à photographier cette bombe, s'ils l'ont photographiée, qu'ils ont descendu un appareil photographique, on peut très certainement descendre une caméra de télévision. Si l'on descend cette caméra de télévision, on pourra se servir de cette caméra de télévision pour guider un grappin ou à l'extrémité d'une corde pour prendre les suspentes du parachute. Dans les jours qui suivent, un mini sous-marin tente une première remontée de la bombe. Mené dans la précipitation, l'opération est un échec. Rien ne se déroule comme prévu. Le 24 mars, nouvelle tentative. Les Américains déploient cette fois 4 sous-marins en appui. On réussit alors à accrocher la bombe à une corde. L'un des sous-marins la remonte, mais à mi-parcours, à 300 mètres de profondeur, le câble se brise et la bombe retombe dans les profondeurs. Elle disparaît de nouveau. Tout est à refaire. À quelques kilomètres de là, sur la terre ferme, afin sans doute de masquer leurs échecs à répétition au sujet de la récupération de la bombe, l'armée américaine organise une vaste campagne de communication. Sous l'œil d'une vingtaine de caméras de télé venues du monde entier, l'ambassadeur américain invite plusieurs responsables politiques espagnols pour une baignade en mer Méditerranée. À Palomares, le ministre espagnol de l'air et celui de l'information et du tourisme, dans une intimité toute relative, ont pris un bain en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis. Le but de l'exercice, qui a poussé certains opérateurs à se mouiller aussi, démontrait que la bombe perdue en mer lors de l'accident du B-52 américain n'a provoqué aucune radioactivité. Leurs excellences n'ayant aucune vocation particulière pour le suicide, il faut se rendre à l'évidence, les eaux de Palomares sont parfaitement inoffensives. « 7 avril 1966, voilà 80 jours qu'a eu lieu l'accident aérien au-dessus de la ville de Palomares. » 80 jours qu'une bombe nucléaire est toujours portée disparue. Au large, des navires de guerre de la Navy stationnent. À bord, les mines sont graves et les regards concentrés. En effet, 600 mètres plus bas, dans les eaux sombres, un sous-marin de recherche ultra-secrète à pied d'œuvre, le Curve, c'est son nom, est arrivé par avion 2 jours plus tôt d'un centre de recherche aux États-Unis. Et c'est sur lui, un engin de 4 tonnes, long de 5 mètres, que reposent désormais tous les espoirs de remonter la bombe. Après une descente de plusieurs heures, l'appareil se stabilise enfin à hauteur des câbles du parachute toujours accrochés à l'engin. Et selon ce journaliste de la RTF que vous allez entendre, l'armée américaine est passée une nouvelle fois à 2 doigts d'une catastrophe. Un bel œuf de Pâques pour les habitants de la région de Palomares. Les Américains ont remonté la bombe atomique perdue depuis 2 mois et demi. Les 15 mégatonnes de l'engin, 1000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, ont été exposées sur le pont du croiseur Porter. Cela valait bien les 300 millions de francs dépensés par les Américains pour récupérer l'engin. Mais la phase finale du repêchage a failli mal tourner. Le sous-marin qui devait dégager la bombe se prit dans le parachute de celle-ci. Les sauveteurs devaient remonter le sous-marin et la bombe en même temps. Dernier suspense, à 30 mètres de la surface, un câble se rompait. Mais tout est bien qui finit bien. Tout le monde respire enfin à Palomares. Espagnols et Américains qui ont pu regarder de près l'objet de leurs soucis, qui malgré sa chute était pratiquement intact, à part son ogive légèrement cabossée. Voilà, la 4e bombe enfin récupérée, on aurait pu penser que l'affaire de Palomares était terminée, que le dossier autour du crash se refermerait à jamais et qu'on finirait par oublier cette histoire. Eh bien non, car en matière de nucléaire, que ce soit civil ou militaire, les conséquences des accidents sont toujours très profondes et surtout, elles s'inscrivent dans la durée. Un an après la catastrophe, les habitants de Palomares et de certaines communes avoisinantes reçoivent les premières indemnisations de la part des Américains. Une pluie de dollars, censée couvrir les pertes pour la production agricole et les maisons abîmées. Une somme considérable à l'époque, mais qui est sans commune mesure avec le véritable prix environnemental de cette catastrophe. Car contrairement à ce que les États-Unis ont longtemps prétendu, il y a bien eu contamination grave des sols, des plantations de légumes et des personnes dans un rayon de 15 kilomètres. De l'autre côté de l'Atlantique, à Washington, l'affaire ne restera pas non plus lettre morte. Quelques mois plus tard, une commission d'enquête parlementaire associée à des experts indépendants estimera que la réussite de l'opération de récupération de la bombe fut permise grâce à une chance insolente. Car n'oublions pas dans cette affaire que sans l'aide d'un petit pêcheur, la Navy n'aurait sans doute jamais pu retrouver l'engin. 49 ans plus tard, au mois d'octobre 2015, le secrétaire d'État américain John Kerry se rendra personnellement en Espagne pour signer un nouvel et ultime accord d'indemnisation dans cette affaire. Une nouvelle tentative de clore un dossier que décidément on a bien du mal à refermer. Vous avez pas vu Mirza ? La la la la la. Vous avez pas vu Mirza ? La la la la la. J'avais pas vu Mirza. Oh la la la la la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Je le vois, veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois. cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. L'accident de Palomares, aujourd'hui le jour où les Américains ont égaré une bombe atomique qui, je précise, ne s'appelait pas Mirza. Notre invité Jean-Marie Collin, bonjour. Bonjour. Chercheur associé au GRIP, le groupement. Le groupe de recherche d'information sur la paix et la sécurité. Voilà, consultant indépendant sur les questions de défense et de sécurité internationale, en particulier dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Vous êtes aussi le directeur France du réseau international des parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement. Voilà, votre dernier ouvrage coécrit avec Paul Quillens et Bernard Norland s'intitule « Arrêtez la bombe ». Il va bientôt être réédité, hein, je crois, aux éditions du Cherche Midi. C'est exact, voilà. Bien, alors, on va revenir un peu sur le contexte de cette affaire. Nous sommes donc en pleine guerre dite froide, mais en même temps en pleine détente et en même temps en plein équilibre de la terreur. Avec le recul, tout ça est un peu absurde quand même comme doctrine diplomatique géopolitique. C'est-à-dire que plus on construit d'armes, plus on a l'idée qu'on ne s'en servira pas. En gros, c'est ça. C'est exactement ça. C'est l'idée de l'équilibre de la terreur. Seulement, ces personnages qui ont construit ces politiques de défense n'ont pas compris, c'est que l'équilibre, c'est toujours quelque chose de dangereux. À un moment donné, on peut tomber. Mmh. Et dans les façons de tomber, par exemple, il y a évidemment le pire, la guerre nucléaire. Et puis, il y a aussi ces séries d'accidents, de catastrophes qui ont créé un ensemble de circonstances où on s'est rendu compte, où la population civile, les ONG, un certain nombre d'États se sont rendu compte du danger, en fait, à vouloir continuer à conserver ce type d'armes et à continuer la production de milliers et de milliers d'armes nucléaires, puisque au début des années 80, on était à 70 000 armes nucléaires des deux côtés, dans l'ensemble, pardon, ce qui est complètement absurde, puisque une petite centaine suffirait pour faire exploser plusieurs fois la Terre, comme on dit. Alors, la circonstance aggravante, le problème qui vient se greffer sur ce problème-là, déjà, c'est qu'elles sont pas sur des bases. Alors, on pouvait penser que on a des armes nucléaires d'un côté, de l'autre, on en envoie sur un pays, puis l'autre pays on en envoie sur l'autre. Sauf qu'elles se baladent. Alors, elles se baladent dans des sous-marins, mais elles se baladent, comme on l'a vu en 66, dans des avions qui peuvent avoir un accident. Enfin, c'est complètement... Exactement. À cette période, on est véritablement sur les dents. Vous l'avez dit dans l'émission qu'on a entendue, on est quelques années après Cuba, et du fait d'être sur les dents, à cette époque aussi, vous voyez, le nom de l'opération est donc d'avoir un dôme global avec des avions qui circulent sur l'hémisphère nord au niveau de l'Arctique, et puis donc cet avion-là qui circule un peu plus au sud pour remonter jusqu'aux frontières de la Russie. C'est véritablement pour être prêt. Être prêt 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année à lancer ces bombes nucléaires. Être prêt donc à lancer ceci sur un adversaire. Sur un adversaire connu, dans ce cadre-là, qui était le bloc soviétique, ou éventuellement inconnu, un autre aurait peut-être pu se former. Et c'est donc ça, qui était véritablement dangereux, c'est d'avoir cette capacité de lancement sur alerte en permanence des armes nucléaires. Alors, cette affaire de Palomares, est-ce qu'elle a eu un gros retentissement parce que tout ce qui tourne autour du nucléaire, civil comme militaire d'ailleurs, mais évidemment encore plus militaire, est sous le sceau du secret tout le temps. Qu'est-ce que ça a provoqué comme réaction à l'époque? Non, globalement, il n'y a pas eu de retentissement. Il y a eu une super campagne de promotion et d'information du ministre de l'Information et du Tourisme de l'époque espagnol. Il faut bien voir qu'à cette période, on est en plein boom de la Costa Brava espagnole, donc il ne fallait surtout pas faire fuir les touristes français, étrangers qui pourraient venir sur ces plages. Quoi, en Andalousie ? En Andalousie. Costa del Sol. Voilà, Costa del Sol. Pardon. Bah, c'est de Barcelone, c'est pas grave. Et on est en plein boom, en pleine existence du secret total sur ces questions-là. La personne du CEA que vous avez retrouvé l'archive indique bien qu'il n'y a aucun risque, qu'il n'y a aucun problème. Seul peut-être le député s'interroge un petit peu et encore, il parle... La vigerie. Voilà, qui parle d'il y a des sécurités, mais c'est pas très rassurant quand même. Donc, globalement, comme aujourd'hui, même si aujourd'hui on en parle globalement plus, la preuve on en parle aujourd'hui, c'était le secret total, et surtout pour ne pas faire peur aux populations qui, dans lesquelles il y avait des armes nucléaires. Donc on n'allait pas trop en parler en France aussi, puisque ça aurait peut-être pu créer un certain nombre d'interrogations sur le fait de savoir est-ce que oui ou non, nous aussi français à cette époque, on avait des armes qui se baladaient dans le ciel, et est-ce que oui ou non, il y a un risque d'accident. Alors on va écouter une archive, c'est intéressant parce que c'est un reportage de Martine Pouchard à Palomares pour RFI, réalisé en 2004. Écoutons ensemble. 38 ans plus tard, aux États-Unis, l'accident est toujours classé secret militaire. On ignore ce que contenaient réellement ces bombes. Après l'accident, personne n'a vraiment confirmé que les États-Unis avaient nettoyé la zone, transportant en Amérique 1 600 000 tonnes de terre contaminée. Durant des années, le franquisme va jeter une chape de plomb sur les événements de Palomares. À l'époque, l'un des ministres de Franco, aujourd'hui président de la région de Galice, Manuel Fraga, ira se baigner en Méditerranée, là où l'une des bombes est tombée pour faire taire les mauvaises rumeurs. Sur zone, durant des années, la population passera des examens médicaux, les terres seront de nouveau cultivées, puis abandonnées, et récemment, on envisagera même de construire des lotissements sur les sites contaminés. Mais voilà aujourd'hui, le Conseil national de sécurité nucléaire, alerté par le Centre de recherche énergétique, pourrait exproprier les terrains pour nettoyer définitivement la zone, où surtout, en sous-sol, on note la présence de plutonium. 100 fois moins que la norme dite dangereuse et établie à 10 millions de becquerels par kilo. Néanmoins, le Conseil de sécurité nucléaire a élaboré un rapport où il recommande l'expropriation, que les jeunes ne travaillent pas dans l'agriculture et que la population ne consomme plus le plat régional tant apprécié, les escargots. Alors ça, c'était en 2004. Aujourd'hui, 51 ans après les faits, je crois que des opérations de nettoyage sont toujours en cours. Exactement. On est en fait dans ce même cadre que 2004, où il y avait des opérations immobilières qui se sont montées. Et à partir de 2011-2012, il y a eu un certain boom sur ces lieux du boom immobilier. Il y a eu une volonté donc de pouvoir construire des immeubles. Et il y a eu cet organisme sur la sécurité nucléaire qui s'est aperçu que non, vous ne pouvez pas construire justement puisque ces zones sont encore radioactives. Des nouvelles zones ont été découvertes, des nouveaux talus ou des déchets de terre véritablement radio-contaminés avaient été laissés et entreposés par les Américains. Donc on s'aperçoit véritablement que 51 ans après, on est toujours face à une catastrophe environnementale extrêmement importante. Mmh. La journaliste parle de plus d'un million de tonnes de terre, 1 600 000. C'est une quantité absolument ahurissante qui sont entreposées aux États-Unis sur le site de Savannah River et qui posent aussi des problèmes de contamination puisqu'il faut aussi les conserver, s'assurer qu'il n'y ait pas des fuites éventuellement de contamination au niveau du sol avec les eaux de pluie par exemple. Donc on est toujours là avec un problème de radioactivité importante dû à cette politique de la terreur. Alors, on va changer d'époque et arriver à celle d'aujourd'hui. En France, depuis le milieu des années 60, il existe un dogme jamais remis en question, celui de la dissuasion nucléaire. Notre pays se classe aujourd'hui au troisième rang mondial pour le nombre d'ogives, je parle sous votre contrôle, derrière les États-Unis et la Russie, avec un peu plus de 300 engins atomiques pouvant être lancés à tout moment, avec des avions ou des sous-marins. Pourtant, depuis 50 ans, quand même, les menaces internationales ont changé de nature. Pourquoi cette doctrine d'engagement de l'arme nucléaire n'évolue-t-elle pas, que ce soit en France d'ailleurs, ou aux États-Unis, ou en Russie, ou en Chine, je cite les puissances, parmi les puissances nucléaires. Pourquoi ça n'évolue pas? C'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Eh bien justement, parce qu'il n'y a quasiment jamais eu de débat. Quand vous n'avez pas de débat, vous n'avez pas de questionnement, vous n'avez pas de réflexion. À partir du moment où vous avez les premières questions qui arrivent, vous avez les premières réflexions. C'est comme une boule de neige. Vous poussez tout doucement une petite boule de neige, et va se former une grosse boule de neige, et vous avez ces réflexions. Et je dirais jusqu'en 2009-2010, il n'y avait pas ce débat. Il y avait un tabou total sur la dissuasion, sur le coût de la dissuasion, sur les réalités du désarmement nucléaire, sur les réalités de ces dangers, de ces catastrophes. On ne parlait pas de ces catastrophes qu'il y avait eu, pourtant qui étaient connues. Je dirais que même en 2010, vous tapiez sur Wikipédia cette catastrophe de Palomares ou de Thule au Groenland qui a eu quelques années plus tard, vous les trouviez sans problème. Depuis 2010-2012, il y a eu une forte activité de la part des ONG, de la société civile, qui ont pu entrer en contact avec un certain nombre de parlementaires, qui ont fait poser des questions au gouvernement, des questions écrites, quelques questions orales. Il y a eu une campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires aussi, qui s'est focalisée non plus sur ce concept de dissuasion, mais pour montrer les conséquences en cas d'utilisation d'armes nucléaires ou en cas d'accident nucléaire militaire. Puisqu'après tout, c'est quand même bien ça, derrière cette fameuse ce concept politique. Et donc, il y a quand même un peu plus de débats, notamment sur la question du coût, puisque dans quelques années, on doit passer, si c'est voté, à près de 7 milliards d'euros par an, pendant entre 10 et 20 ans. Et puis, ces questions-là, justement, c'est est-ce que c'est adapté ou pas à notre défense aujourd'hui ? Et étonnamment, c'est passé, je dirais, inaperçu, mais des sénateurs ont fait dans un rapport qui s'appelle « L'avenir de la dissuasion nucléaire en 2012 » un petit paragraphe où ils indiquent que si c'était aujourd'hui à construire une force de dissuasion, eh bien, ils ne le feraient pas. Ils ne le feraient pas parce que ça ne répond pas aux objectifs de sécurité. Par conséquent, on peut s'interroger alors pourquoi on continue ? Parce qu'il y a probablement des intérêts économiques. Il y a principalement des intérêts économiques et c'est ça qui pose en fait problème. Il y a aussi, c'est-à-dire que ça fait vivre des industriels qui gagnent beaucoup d'argent puisque la France achète évidemment ses missiles à des industriels français. Et donc il n'y a pas de concurrence. Donc ces industriels français fixent le prix qu'ils veulent fixer. Et forcément, à chaque fois, il y a des dérapages budgétaires importants. Mais la quantité globale d'employés sur les questions de dissuasion est extrêmement faible si on devait la comparer à l'industrie chimique ou à l'industrie du vin ou du tourisme, par exemple. Et puis, dans le même temps, il y a encore cette notion pour certains experts ou certaines personnalités politiques du fameux prestige. On a la bombe, donc... On fait partie du conseil de sécurité, si on a même la bombe. Si ça n'a pas de lien direct, donc on a ce prestige. Pourtant, on comprend aujourd'hui, au XXIe siècle, que le prestige, ce n'est pas le fait de pouvoir baser sa politique de défense sur le fait d'exterminer des populations civiles en masse. Et ça, une large quantité du monde l'ont compris, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aboutit à ces négociations internationales sur le désarmement du nucléaire qui se déroulent à l'ONU. Ça veut dire que de notre vivant, nos générations pourraient connaître une planète, une terre sans armes nucléaires un jour ? C'est ça le but quand même Alors, c'est le but ultime, normalement, à laquelle se sont engagés la France, les Américains, les Britanniques, les Chinois et les Russes. Ça, c'est les cinq pays du Conseil de sécurité. Ça, c'est les cinq pays du Conseil de sécurité. C'est les cinq pays qui sont membres du traité de non-prolifération nucléaire et qui se sont engagés au désarmement nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont signé ce traité, on a accepté qu'ils aient des armes, à condition que de bonne foi, ils aillent au désarmement nucléaire. Ce n'est pas le cas. La France, comme les autres, engage des programmes d'armement nucléaire jusqu'en 2070, par exemple. Ouais. Donc, il n'y a pas de bonne foi. Alors, on vient de parler des cinq pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, Chine, USA, Russie, France et Grande-Bretagne, mais d'autres pays ont la bombe nucléaire. On va commencer par celle dont on parle beaucoup, la bombe nord-coréenne. Que vaut-elle, cette bombe nord-coréenne ? Alors aujourd'hui, on sait que les Nord-Coréens disposent de la technologie pour fabriquer une arme nucléaire. D'après les derniers rapports officiels français qui ont été dévoilés il y a quelques semaines, ils ne disposent pas encore de la capacité d'utiliser cette arme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore la capacité de la mettre sur un missile pour pouvoir envoyer le missile. Mais est-ce qu'ils ont déjà réussi le processus d'enrichissement du combustible à 90%, je crois, pour une bombe nucléaire ? Ce qui est extrêmement difficile. Heureusement, d'ailleurs, technologiquement, ils l'ont, ça. Donc, ils ont ce processus-là. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à disposer d'armes nucléaires. Donc, on sait qu'ils ont une petite dizaine, aujourd'hui, d'engins explosifs nucléaires. Toute la question pour eux, Corée du Nord, c'est d'arriver à monter, à réduire la grosseur, si l'on veut, de cette arme, pour pouvoir la monter sur un missile. Derrière, on a l'Inde et le Pakistan. Alors, j'allais venir, parce que l'Inde et le Pakistan, justement, sont deux puissances nucléaires qui pourraient entrer en guerre. Le contentieux est énorme. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Mais on dit que s'il y a danger, un grand, grand, grand danger dans le monde, il est peut-être là. Exactement, il peut être là. En 1999-2000, il a fallu des interventions forcées extrêmement importantes de la part des Britanniques et des Américains pour éviter qu'ils entrent en guerre et potentiellement sur une guerre nucléaire. Et c'est vrai que ces deux pays posent un problème. Ils possèdent plus ou moins 100-150 ogives chacun. Donc ça pose véritablement un problème de tension. Ce qu'il faut voir, c'est dans le même temps, si les Français, il y a quelques mois, se sont fait les gros titres et étaient contents de vendre des Rafales, par exemple, c'est aussi une façon d'aider les Indiens à porter des armes nucléaires. Donc on encourage aussi la prolifération nucléaire et à ce danger de guerre nucléaire entre ces deux pays. Je vois. Est-ce qu'Israël possède la bombe ? Évidemment, Israël possède la bombe. Vous dites évidemment, pourtant ça n'avait rien d'évident. C'est ça que je pose la question. C'est une évidence, oui ou non. C'est un secret de polichinelle, comme l'expression le veut. Mais évidemment, Israël possède la bombe. Et évidemment, et ça c'est dans un certain nombre de livres de mémoire de grands hommes politiques des années 60, la France a été le pays qui a donné les moyens à Israël de posséder l'arme atomique, avec plus ou moins l'aval par certains moments des États-Unis. Mais oui, évidemment, Israël possède la bombe. Donc on arrive avec ces 4 puissances plus les 5 officiels à 9 États à travers le monde qui ont des armes nucléaires. Et je rajouterai à ces 9 États, 5 États en Europe. La Belgique, l'Italie, la Belgique, l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et les Pays-Bas qui disposent sur leur territoire de petits arsenaux nucléaires qui sont entreposés par les Américains dans le cadre de l'OTAN. Et donc gérés par les Américains. Et gérés par les Américains, sauf que en Turquie et en Italie, mais par exemple en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, s'il devait y avoir emploi de l'arme nucléaire sous autorité gouvernementale américaine, ce serait bien un pilote belge qui utiliserait ces armes. Bien. Alors, est-ce qu'on se joue, je vais vous parler de l'Iran maintenant, alors l'Iran qui n'a pas la bombe nucléaire évidemment, mais est-ce qu'on joue à se faire peur? Alors c'est vrai que les choses ont changé, notamment grâce à Barack Obama, qui a une politique d'ouverture vis-à-vis de l'Iran. Après tout, voilà un pays qui demande l'accès au développement technologique avec le nucléaire civil. Nous avons le nucléaire civil. Peut-être qu'on pourrait se poser de vraies questions, savoir pourquoi on empêcherait un pays d'arriver à ce développement eu égard au pouvoir, évidemment, qui n'est pas très recommandable en Iran, mais enfin, est-ce qu'on joue à se faire peur? Parce que le temps que l'Iran arrive au processus de transformation et d'enrichissement du combustible pour avoir une bombe nucléaire, c'est pas demain la veille, si je puis dire. Alors, quand même. Est-ce qu'on joue à se faire peur ou est-ce que on s'en sert pour des motifs géopolitiques? C'est certain qu'on s'en est servi pour des motifs géopolitiques, mais il est certain qu'au début des années 2000, l'Iran était en voie de travailler sur un programme nucléaire militaire. Différents points l'ont montré. Il n'y a pas eu une certitude sur la façon ou à quel stade ils en étaient exactement de leur recherche, mais ils étaient, c'est certain, en phase de travailler sur différents aspects de l'arme atomique, que ce soit sur l'enrichissement ou sur certains types de missiles. Aujourd'hui, l'Iran n'a pas la bombe atomique. Aujourd'hui, l'Iran s'est engagé depuis 2015 à signer donc un accord de coopération avec l'AIEA, avec un certain nombre de puissances, pour ne jamais posséder l'arme atomique. Et l'Iran est certainement aujourd'hui l'État qui est le plus surveillé au monde par justement l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc l'Iran n'est pas et n'est plus le problème aujourd'hui. Par contre, ce qui est le problème, c'est le manque de volonté des puissances occidentales de vouloir réaliser ce même dialogue qu'il y a eu avec les Iraniens, avec la Corée du Nord, puisqu'il n'y a pas de dialogue concret. Et donc, on ne peut pas arriver à un acte diplomatique fort comme on a eu en juillet 2015. Jean-Marie Collin, ma dernière question va vous surprendre, ou pas. Vous partez à New York, je crois. Exactement. Qu'est-ce que vous allez faire à New York? Si je vous pose la question, c'est qu'elle n'est pas dans votre livre. Eh bien, je pars dans quelques heures pour participer à la seconde session du traité d'interdiction des armes nucléaires. L'an dernier, après 6 ans de travaux entre des États et la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, une résolution a été adoptée, une résolution qui a ouvert cette année le droit à faire une conférence pour créer un instrument juridiquement contraignant. On va dire un traité qui va interdire les armes nucléaires, en quelques mots. Et le 7 juillet prochain, on espère bien avoir ce traité. Donc on est en véritable travail et de réflexion sur l'article 1, l'article 2, les interdictions, les obligations, pour justement faire en sorte que l'arme nucléaire soit comme les armes chimiques et les armes biologiques, une arme qui soit interdite. Bah bon courage, Jean-Marie Collin. Merci beaucoup. Bon voyage, bon courage et merci d'être venu nous enrichir de vos lumières et de vos connaissances en la matière. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Palomares. C'est l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'acteur Patrick Devers. Je vais vous transmettre une petite lettre que nous avons reçue et qui dit « Bonjour Fabrice Drouvel, j'adore votre émission, c'est pourquoi j'ai eu l'idée de vous écrire. J'ai 10 ans et je suis fan d'histoire et de votre émission en particulier. Je ne peux pas souvent l'écouter parce que de 15h à 16h, je suis encore à l'école. Mais quand j'ai l'écoute, je suis ravi. Eh bien nous sommes ravis de voir que l'émission est un peu le Tintin de France Inter qui fédère un public de 7 à 77 ans. »